Vous écoutez toujours Futur Simple au 89.1 et je me tourne maintenant vers François qui nous rapporte une étude sur l'obésité. On dit souvent que l'obésité serait due à un manque d'activité physique ou à une alimentation trop riche, mais voilà que des scientifiques viennent de démontrer l'importance de certaines cellules nerveuses dans la simulation des aliments et dans la prise de poids. Oui, certaines neurones dans notre cerveau contrôlent la prise alimentaire et coordonnent l'activité des organes comme le foie, le pancréas ou les muscles afin d'optimiser l'utilisation des nutriments que l'on consomme, c'est-à-dire principalement les lipides et les sucres. Des chercheurs du laboratoire Biologie fonctionnelle adaptative du Centre national de recherche scientifique de l'Université de Paris-Diderot viennent de mettre en évidence cette nouvelle fonction essentielle chez la souris. Publié sur le site du EMBO Journal le 18 septembre 2012, ces travaux renforcent l'hypothèse selon laquelle le cerveau pourrait être le siège du dérèglement initial qui conduit aux pathologies associées à l'obésité comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires ou encore les dyslipidémies, c'est-à-dire les concentrations élevées de cholestérol et de triglycérides dans le sang. Maintenant, l'obésité est considérée comme une épidémie à l'échelle mondiale. Alors, la mortalité associée à cette maladie résulte, dans la plupart des cas, des complications métaboliques secondaires, comme je viens de le mentionner, là, du diabète, des dyslipidémies et des maladies cardiovasculaires. Or, une ingestion excessive d'aliments ne pourrait pas, à elle seule, expliquer le lien entre l'obésité et ses maladies associées. Ce ne serait pas uniquement la quantité de nourriture qui est à prendre en compte, mais aussi la façon dont l'organisme est capable de gérer cet apport, en particulier choisir entre l'utilisation ou le stockage des lipides et des sucres. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on mange finalement? Est-ce qu'on le stocke ou est-ce qu'on l'utilise? Exactement. Et donc là, l'équipe de recherche vient d'identifier ce groupe de neurones dans le cerveau, et c'est ce groupe de neurones qui aurait pour rôle de contrôler le devenir des nutriments au niveau des organes, comme le pancréas, le foie, ou les muscles. En effet, ces neurones sont situés dans l'hypothalamus et ont ceci de particulier qu'elles produisent un neuropeptide, c'est-à-dire un fragment de protéine qu'on appelle AGRP. Les chercheurs ont démontré que des souris déficientes en neurones AGRP et nourries avec un régime normal deviennent obèses. Par contre, lorsqu'on les nourrit avec un régime qui est en fait riche en gras, elles améliorent leur métabolisme du glucose. Ces expériences révèlent donc que les neurones AGRP, qui sont déjà connus pour contrôler la prise alimentaire, agissent également sur le partitionnement des aliments, notamment en agissant comme chef d'orchestre auprès du pancréas, du foie, des différents types de muscles. Et la perte des neurones AGRP change la consigne au niveau central qui définit l'équilibre entre l'utilisation des sucres ou des lipides, ce qui rend l'animal mieux adapté en fait à un régime riche en gras. Donc un rôle central dans ce peptide, ce fragment de peptide AGRP, et c'est lui. Donc finalement, il y aurait des neurones qui réagissent à ce AGRP là, ou qui sont associés, qui contiennent, et qui font le chef d'orchestre. D'accord. Exactement, c'est ça. Alors ainsi, un déséquilibre dans la capacité du cerveau à coordonner ces tissus pourrait expliquer l'apparition simultanée de dysfonctionnements métaboliques au niveau de plusieurs organes, comme c'est le cas dans la mise en place de l'ensemble des pathologies associées à l'obésité. Par conséquent, la compréhension de l'ensemble de ces processus pourrait apporter des pistes thérapeutiques pour le traitement de ces maladies métaboliques. J'imagine que le fameux AGRP doit être dans la mire de quelques chercheurs. Tout à fait, c'est certain. Ouais. Et est-ce qu'il faudra... Mais il faudra avant tout voir si c'est transposable à l'humain. C'est comme d'habitude, on fait l'expérience sur le rat ou sur la souris. Et qu'en est-il de l'humain? Oui, effectivement, il faut que ce soit transposable. Sinon, il n'y a plus d'intérêt. Oui. Et sans transition, on va passer maintenant au gaz de schiste en Allemagne, où s'annonce un fort encadrement législatif. Alors oui, Valérie, ce n'est pas seulement au Québec que l'exploitation des gaz de schiste est controversée. Le 6 septembre dernier, le ministre fédéral de l'Environnement en Allemagne, M. Peter Altmaier, a présenté les conclusions d'un rapport de l'Office fédéral de l'Environnement, le Umweltbundesamt, portant sur les risques de la fracturation hydraulique. On le sait, qui est une technique d'extraction des gaz de schiste par laquelle on injecte sous forte pression mm-hmm. dans la roche qui contient les 10 gaz, un mélange d'eau, de sable et de produits chimiques assez corrosifs, comme par exemple l'acide chlorhydrique concentré, pour faire remonter les gaz à la surface. Ouais. Alors, cette technique, qui est très controversée en Allemagne, est néanmoins regardée avec intérêt par les industriels gaziers. Ça, évidemment, on s'y attendait. L'Allemagne disposerait en effet de gisements de gaz de schiste estimés entre 700 et 2300 milliards de mètres cubes. Mm-hmm. Et à titre comparatif, sa consommation en gaz, en gaz est de l'ordre de 10 milliards de mètres cubes par année. Ah oui, donc il y aurait largement de quoi s'approvisionner pendant plusieurs années avec plusieurs ces gisements. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ce rapport-là de l'Office fédéral de l'environnement, est-ce que ce rapport juge que la fracturation présente un danger pour la santé ou l'environnement? Tout à fait. Sa principale inquiétude réside dans la contamination des nappes d'eau potable. Donc, c'est un peu comme ici. Comme ici, effectivement. Alors, le ministre Altmaier a donc exclu l'extraction de ces gaz dans les zones contenant de telles nappes et des sources. Mm-hmm. Ces zones représentent 14 % du territoire allemand, c'est pas tellement. Cependant, il n'envisage pas l'interdiction de telles extractions en dehors de ces zones, mais exige qu'elles auraient lieu sous des conditions strictes. De plus, l'Office fédéral de l'environnement préconise la nécessité d'une évaluation formelle des impacts environnementaux mm-hmm. et la consultation des citoyens concernés. Et plus largement en Europe, parce que tu connais le contexte européen sur la question des gaz de schiste? En fait, l'étude intitulée « Extraction de gaz non conventionnel, potentiel sur le marché de l'énergie et conséquences dans l'Union européenne », qui a été commandée par Günther Oettinger, le commissaire européen à l'énergie et homme politique allemand, souligne ce qu'il appelle les grandes incertitudes concernant la disponibilité et la sûreté d'exploitation des gaz de schiste. Ouais, donc il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Tout à fait. Au niveau européen également. Et j'imagine que les associations allemandes de défense de l'environnement ne sont pas muettes. Non, en fait, elles plaident toujours pour une interdiction totale de l'exploitation des gaz de schiste. Les industriels, pour leur part, envisagent de continuer à prospecter certains sites. Mm-hmm. Ainsi, l'entreprise Wintershall, qui est une filiale du groupe BASF, souhaite ouvrir deux concessions en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ça c'est dans le nord-ouest de l'Allemagne, afin de déterminer si elle présente un potentiel d'exploitation. Les ministres de l'Environnement et de l'Économie de ce Land ont toutefois fait savoir vendredi le 7 septembre 2012, donc le lendemain, qu'aucune autorisation d'exploitation par fracturation hydraulique ne serait accordée. Mm-hmm. Donc, on devine que le débat est assez houleux, qu'il y a les tenants, il y a les opposants et qu'il faut gérer tout ça. Effectivement, et on sait aussi que l'Allemagne est un pays aussi assez vert. Là. Oui, c'est ça, oui. Donc, ce sera à suivre dans l'avenir, mais pour le moment, ce qui est à suivre, c'est la pause publicitaire sur CKRL au 89.1.